à tous, c'est la rentrée sur Radioactive. On est heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison radiophonique. Et comme les vacances sont finies et que les enfants ont repris la route de l'école, vous allez être nombreux à vouloir faire durer un petit peu le plaisir et à chercher des activités à faire en famille le week-end prochain. Eh bien, vous ne pouviez pas mieux tomber dans ce mag aujourd'hui, puisqu'à Neuillé-le-Lierre, les petites mains s'activent pour vous proposer la seconde édition du Festigourmand, qui aura lieu ce samedi 7 septembre de 15h à 1h du matin. De quoi guincher jusqu'au bout de la nuit. Alors, qu'est-ce que ce rendez-vous? Eh bien, Geoffrey Pontaillé va nous l'expliquer tout de suite, puisqu'il est le premier invité de notre mag en cette reprise. Bonjour Geoffrey. Bonjour Marlène. Alors Geoffrey, ce n'est pas la première fois que vous êtes présent sur notre antenne. Vous êtes un des cofondateurs et également vice-président de l'association La Poule au Pot, qui est à Neuillé-le-Lierre. Tout à fait. J'ai eu le plaisir de venir présenter l'un de notre événement en début d'année, qui était une soirée et une après-midi jeux de société. Donc je suis maintenant là, grâce à vous, pour présenter le Festigourmand qui aura lieu ce week-end. Alors avant de parler du Festigourmand, vous pouvez nous parler de comment est né ce collectif, de qui il est composé, qu'est-ce que vous y faites? En gros, c'est quoi la Poule au Pot et ça existe depuis quand? Alors du coup, la Poule au Pot existe depuis 2022, donc hein, c'est tout récent. Mmh. C'est né d'une rencontre entre parents de jeunes enfants du village de Neuillé-le-Lierre. En fait, on se connaissait plus ou moins et on s'est dit que ça serait bien de faire vivre le village autour d'événements fédérateurs, proposer quelque chose d'un peu différent de ce qui existe habituellement, autour de valeurs communes aussi, de partage intergénérationnel, de soutien à une agriculture et un artisanat local et de qualité. Tout ça dans une démarche éco-responsable. On voulait proposer des événements festifs pour le plus grand nombre et à des prix accessibles. Et pas seulement pour les enfants, puisque c'est, vous l'expliquiez, c'est beaucoup de parents de jeunes enfants, mais c'est vraiment pour tous les habitants de Neuillé, voire même des alentours. Tout à fait. Les membres fondateurs, on est des parents de jeunes enfants, on était 9 à la base, mais c'est pour tout le monde. Et d'ailleurs, au sein de nos adhérents, nous avons des personnes de 32 à 68 ans, et nous avons actuellement 29 adhérents à l'association. Ce qui est fabuleux, c'est que dans 20 ans, on fera peut-être la rentrée sur Radioactive avec les enfants de ceux qui ont fondé la Poule au Pot, qui viendront nous parler de leur 22e édition de Festigourmand. Allez savoir. Allez savoir, pourquoi pas. Bientôt, le festival de Carré à Neuillé-le-Lierre. Oula. Voyons grand, vous avez raison, après tout, hein, il faut rêver. Donc c'est une association qui a donc pour but finalement de fédérer et puis de, comme vous le disiez, de mettre en avant l'artisanat local, qu'il soit à déguster, à écouter, à observer. Donc ce festival, il a pour but de mettre tout ça en valeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est né cette idée en fait? Parce que je crois qu'il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que le festival, il est un peu né dans votre esprit avant même que naisse l'association. Tout à fait, vous avez raison. En fait, lors de discussions, notamment lors d'apéro à Neuillé-le-Lierre qui a pu y avoir, on avait l'idée déjà de créer un festival, un événement au sein de Neuillé-le-Lierre. On a un super site auprès de la Brenne, le parc naturel d'Amiens-Forâtier. On s'est dit, on veut exploiter ce lieu et on s'est dit, on veut créer une association dans le but de créer ce festival. Et finalement, de fil en aiguille, on s'est dit que ça serait bien de proposer d'autres événements à la fois pour diversifier nos propositions, d'où la soirée jeu, d'où le bar éphémère, et aussi en partie pouvoir financer une partie de ce festival avec d'autres événements. Avec un soutien également de la commune de Neuillé? Tout à fait, on tient vraiment à dire un grand merci à la commune de Neuillé qui est très active pour les associations. Elle nous permet d'avoir du matériel, elle met à disposition la salle des fêtes de manière gratuite, elle nous soutient vraiment. C'est très agréable de pouvoir compter sur la commune pour pouvoir faire ces événements, mais aussi à la communauté de communes du Val d'Amboise et au département, sans qui leur aide financière et les subventions, on ne pourrait pas proposer ce type d'événement qui, on le veut, reste accessible à tous. Alors un partenariat institutionnel, qu'on entend bien, un partenariat aussi associatif, je pense à la ressourcerie notamment, on l'évoquait hors antenne. Tout à fait, la ressourcerie Ribambelle, qui est un très beau projet qui s'est mis en place et qui a commencé à Neuillé-le-Lierre. Donc on a rencontré ses membres fondatrices avec qui on a créé un partenariat. Et ils seront d'ailleurs présents avec un stand lors de notre Festigourmand. Du coup, ces échanges sont riches avec aussi la Michael Novilassienne, l'APE, Fête de la ZIC, etc. Donc, ces partenariats permettent, nous, de vivre et aussi de belles rencontres humaines. Alors, cette deuxième édition du festival Festigourmand, elle est bien, bien, bien fournie. Il y a un programme qui est vraiment super. Un programme avec une affiche faite maison, déjà, qu'on peut souligner, parce que c'est vraiment une affiche très sympa que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, évidemment, en tapant La Poule au Pot, mais aussi sur le Facebook de Radioactive, où vous pourrez réécouter ce podcast. C'est du local, c'est du bio, c'est accessible, il y a un bon esprit, il y a une belle déco. Enfin, tout y est, en fait. Vous avez tout compris. Et voilà. C'est tout à fait ça. Vous avez vraiment cerné notre esprit et ce que l'on veut promouvoir à travers cet événement. Comme je vous l'ai dit au départ, vraiment ce côté festif, rencontre, partage, solidarité, des produits de qualité, bio, local, à des prix accessibles. Voilà, c'est ça qui nous tenait à cœur et aussi où on a misé aussi pour qu'on ait une vraie identité, une âme dans ce festival avec une décoration très personnelle que je vous invite à venir découvrir. On est impatients. Alors, quel est le programme? Parce que ça démarre dès 16h, donc dès le milieu d'après-midi, ce samedi, avec le bus des rêves. Tout à fait. Alors, les ouvertures des portes auront lieu à 15h et à 16h, le premier spectacle. Donc, c'est un duo de cirque musical, axé pour les enfants, mais aussi tout public. Je vous laisse découvrir, vous verrez. C'est vraiment très sympathique, c'est très vivant, ils font participer le public et je pense que ça peut plaire au plus grand nombre et donc, comme on l'a dit, bien évidemment aux enfants. Alors, je reviens juste un tout petit peu en arrière par rapport à ce que vous disiez, Geoffrey. Ouverture des portes à 15h, quel est le tarif pour accéder au site? Il n'y en a pas, c'est à prix libre. Donc, on a fait ce choix parce qu'on veut que ça soit accessible à tous. Donc, l'idée, c'est on ne fixe pas un tarif. Les personnes donnent en fonction de ce qu'ils veulent et ou ce qu'ils peuvent donner, ce qu'ils accordent comme importance à l'événement et en fonction de leurs moyens pour que tout le monde puisse venir et puisse participer à cet événement culturel et festif. Ouais, une belle initiative avec cette entrée au chapeau finalement. Eh bien non, parce qu'en fait, oui, l'entrée on peut dire au chapeau. Donc, ce qui est important de dire, c'est que les artistes ne sont pas payés au chapeau, mais ils sont rémunérés par cachet. Mm-hmm. En revanche, effectivement, l'entrée on peut dire à chapeau, c'est-à-dire qu'on aura une petite urne d'ailleurs qui est une poule, hein, pour rester dans le thème, et chacun donnera ce qu'il veut et glissera dans cette petite urne le montant désiré pour participer à notre événement. Très bien. Alors, je vous ai coupé dans votre lancée, puisqu'on en était à 16h avec le bus des rêves, donc ce duo de cirque musical qui, comme vous le disiez, est vraiment pour tous les publics. Tout à fait. Ensuite, on a Jill. Oui, Jill, donc un groupe très local pour le coup, puisqu'il vient de Rosny, à côté de Neuillé-le-Lierre, qui est un groupe pour le coup amateur, qui vient donc jouer avec un mélange un petit peu de bluegrass, de folk, un peu irlandais. Donc voilà, je vous invite aussi à venir découvrir. Ensuite, on enchaîne avec la fanfare de Montoire, hein, histoire d'accélérer un petit peu et de mettre l'ambiance pour la période de l'apéro. Ensuite, on aura le duo Copain Bonin qui va venir du coup. Donc, il y a un violoniste et un accordéoniste, pardon, dont l'un des membres fait partie des voleurs de swing. Donc, c'est quelque chose d'assez sympa. Il y a un peu de polka, un peu plus posé aussi pour le moment du repas, mais qui peut être aussi bal dansant en fonction de l'ambiance et en fonction de comment les personnes perçoivent la situation. Accordéon, violon, c'est le duo parfait pour effectivement avoir du dynamisme, mais aussi des petits moments calmes. C'est parfait. Tout à fait. Bon choix. Merci. C'est donc le duo Bonin-Campino. Exactement. D'accord, ça c'est à 19h30 pour prolonger l'apéro finalement. Oui, c'est ça. Et puis démarrer le repas. Alors le contenu de l'assiette, vous nous le direz après, mais quelle est la suite du programme musical? Alors ensuite, du coup, on enchaîne avec un artiste qui s'appelle Cara au Bœuf. En fait, c'est un karaoké géant. C'est pour plaire au plus grand nombre. Chacun pourra crier le plus fort la musique qu'il souhaite et il y aura un grand écran, on diffusera la chanson et pour sortir un peu du karaoké habituel en fait, ce monsieur chante et il est accompagné de sa guitare, donc avec sa guitare, sa voix et il entraîne les foules avec bon, les paroles quand même pour ceux qui ne connaissent pas évidemment les chansons par cœur sous le principe du karaoké. Toujours fédérateur le karaoké. Hein. Oui, on s'est dit en plus c'est bien d'ouvrir à chaque public et qu'il y en ait un peu pour tout le monde. À 22h30, on change un petit peu de style. Tout à fait. Avec Volonté Loco. Oui, alors un groupe très festif. On compte bien faire danser le public. Mélange de cumbia latina, musique de l'Est, chansons françaises. Je pense que ça va bien se déhancher et on est content qu'ils puissent venir. Et on finira donc par un DJ set à tendance plutôt reggae. Super. Alors, toute cette programmation là que vous avez mis en place, c'était pour apporter à ce public large tout plein d'univers différents, en fait. Tout à fait. Mais c'est aussi un réseau de copains, tout ça. En fait, oui, c'est souvent machin connaît machin, qui a dit à bidule, c'est un petit peu ça en fait. Il y a de ça effectivement, parce que en fait, les personnes déjà, contrairement à l'année dernière, on a dû beaucoup rechercher des groupes pour la première édition. Là, il y a aussi des personnes qui spontanément se sont présentées à nous via notre page Facebook en proposant ce qu'ils font. Le Compagnie des Bus des Rêves, qui est en fait aussi Volonté Locaux, c'est une membre de l'association qui les a fait venir là où elle travaille avec des personnes en situation de handicap. Elle a dit ça, c'est vraiment génial, pourquoi pas les faire venir. Jill, c'est des personnes que l'on connaît, et les autres aussi par le réseau nous a dit ça peut être pas mal à des prix qui peuvent correspondre à votre budget. Ça s'est fait un peu comme ça effectivement, et puis en fonction aussi, il faut le dire, de nos goûts musicaux, nous membres fondateurs de l'association. Ouais, c'est important. Ça quand même correspond un peu à ce que l'on souhaite aussi. C'est important que vous fassiez plaisir quand même. Voilà. Alors tout ça, ce sera combiné avec un marché d'artisans et de producteurs et également des animations enfants. Alors du côté marché, oui. Qu'est-ce qu'on va retrouver, Geoffrey ? Alors on aura une vingtaine d'exposants cette année. Du coup, on aura une partie artisanat local avec tout un tas de choses. Hein, des personnes, par exemple, qui font des bijoux en chambre à air recyclée, des bijoux en bois, des personnes qui font aussi des savons maison, des tableaux, etc. Et on aura aussi un côté plus marché gourmand, entre guillemets, avec des confitures, des tisanes, des paniers gourmands, ce genre de choses-là. Et puis associé aussi, du coup, vous parliez de nourriture tout à l'heure. Oui. À, du coup, un traiteur, allons la case de Ronnie, pour le repas associé à la fouée gourmande. Et évidemment, vous pourrez compter sur nous pour vous confectionner, comme au bar éphémère, de très bonnes planches apéro constituées avec des produits locaux et de qualité qui nous tiennent à cœur, mais aussi des crêpes maison, des gâteaux et la présence aussi d'eau douceur de la Cis qui fait des glaces artisanales. Et alors, qu'est-ce qu'on boit avec tout ça ? Ah, alors là, beaucoup de choses. autant du soft pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Alors là, varié aussi, hein, cola, limonade, citronnade. Tout, encore une fois, dans un esprit de qualité artisanale et locale. Mmh. Pas de grandes marques, entre guillemets. Oui. Voilà. Et aussi, du coup, des brasseurs, parce que tout le monde aime la bière maintenant, souvent. Et donc, du coup, on aura trois propositions de bière. Une ambrée de la brasserie artisanale de Amboise, une IPA de la brasserie Fagot située à Rony et une blonde de la Pigeonnelle, située à Céré-la-Ronde. Et aussi du vin rouge, du rosé, du Vouvray, tout ça de la closerie de Chanteloup et encore d'autres boissons. C'était ça aussi, de la citronnade à la pression faite aussi par la brasserie Fagot. Voilà. Chouette, on pourrait dire citro-limonade. Sympa. Et alors, pendant que les papas et mamans dégusteront des bières ou des softs, évidemment, les enfants pourront s'occuper comment ? Alors, on a de très beaux projets aussi pour eux, puisqu'on a un manège en bois. Bricophoniste, un monsieur qui a il a pris des planches de récupération, il a créé son manège, il a créé aussi des instruments à côté. Et pour ce manège, ça fonctionne à l'énergie humaine, puisqu'il y a un vélo, il faut pédaler pour entraîner le manège. Nous avons aussi des activités proposées notamment par la ressourcerie, qui est l'idée de confectionner avec des tissus de récupération des éponges qui durent dans le temps et qu'on ne jette pas, qui sont lavables. L'atelier Tawashi. Exactement, oui. L'atelier Tawashi. Très dans l'air du temps aussi. Hein, voilà. Ça. Nous avons aussi la CCVA qui va venir du coup sensibiliser à biodiversité, mobilité, qui va proposer des activités et des dessins pour les enfants, accompagné aussi du CC37 par rapport au vélo et puis pareil, la mobilité, sensibiliser à ces valeurs-là. Vraiment dans un esprit de développement durable, d'éco-citoyenneté, tout y est, jusqu'à ce qu'il y aura dans l'assiette et dans les verres. Tout à fait, avec aussi d'autres jeux en bois extérieur pour les enfants, hein, et puis même au niveau déco qui est beaucoup fait de récupération. Oui, alors ça, je voulais qu'on l'évoque quand même parce qu'il y a eu un gros boulot de déco fait. C'est ce qui fait aussi l'âme d'une manifestation, la déco, c'est important. Alors qu'est-ce que vous avez, sans nous dévoiler tout, parce qu'évidemment, il faut venir voir, évidemment, il faut que vous veniez voir par vous-même, mais par exemple, vous y travaillez depuis combien de temps? Est-ce que vous vous réunissez, je sais pas, toutes les semaines? Comment ça se passe, la commission déco? C'est beaucoup de boulot. Oui. C'est beaucoup de boulot. On passe quand même beaucoup de temps pour l'association, du temps agréable, hein, mais c'est vrai que ça nous prend du temps parce qu'on voulait vraiment donner une identité particulière à cet événement. Donc ça va de la création par nous-mêmes des tickets que l'on a nous-mêmes plastifiés et coupés avec notre petit logo que vous pourrez découvrir en venant nous voir, à la ticketterie qui est une remorque que l'on a récupérée où on a mis un bardage en bois et une structure ossature chevron en bois pour que ça donne un petit côté poulailler qui sera décoré de manière très sympathique, des guirlandes lumineuses, des tourets, tout un tas de choses qui va donner vraiment, je pense, une ambiance très sympathique à cet événement. L'ambiance festival et puis une manière, comme je le disais en intro, de faire durer un petit peu l'été malgré cette rentrée que nous essuyons pour la plupart aujourd'hui. En tout cas, on pense aux enfants, aux collégiens, voilà. Donc tout est pensé pour tout le public. C'est une superbe idée. Alors, ceux qui veulent adhérer pour soutenir l'association, il y a un moyen de le faire qui est Hello Asso maintenant. Tout à fait. Plusieurs solutions, soit via Hello Asso, soit directement nous contactant par mail à l'adresse très simple asso@lapoulopo@gmail.com. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre page Facebook, hein, Association La Poule au Pot. Et nous avons aussi créé depuis juillet un site internet de La Poule au Pot où vous trouverez toutes les informations, les prochains événements, les événements en cours. Et quand vous verrez nos affiches qui sont disséminées un peu partout, il y a aussi des QR codes qui suffit de scanner et qui vous permettent de tomber directement sur notre site internet. Et là encore, grâce à la participation d'autres bénévoles. Tout à fait. C'est vraiment grâce au partenariat créé, mais aussi à nos bénévoles, que l'on en est là aujourd'hui. Chacun met ses compétences à disposition de l'association. Et c'est comme ça qu'on se développe aussi. Alors, on n'a pas prétention, je vous parlais de caresse, c'était pour plaisanter, bien évidemment. Notre objectif, c'est de rester un festival familial. Oui, mais vous ne ferez pas venir Céline Dion. Non, je ne pense pas. Même si certains de nos membres ont des idées de groupe un petit peu trop élevées, mais on va rester les pieds sur terre. Avoir une fréquentation 600, 700 personnes, c'est déjà très bien pour nous. Une dimension humaine. Après, juste plus on peut s'améliorer sur la décoration, donner une ambiance toujours plus sympathique, c'est ce qu'on recherche. Et on entend bien cet esprit dans tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Geoffrey Pontaillé, je rappelle que vous êtes vice-président, un des cofondateurs de cette belle association, La Poule au Pot. Un rassemblement finalement de parents de jeunes enfants récemment installés à Neuillé qui ont eu envie de dynamiser leur village et de mettre en place des animations. Donc on vous conseille à tous, on vous recommande chaudement d'aller donc samedi, ce sera le 7 septembre, à Neuillé à partir de 15h et jusqu'au presque bout de la nuit pour profiter de l'ambiance, de la déco, des produits locaux. Et tout ça avec un super esprit et des prix qui sont accessibles. Et ça, c'est important aussi. Tout à fait, c'est très important pour nous. Donc venez nombreux nous soutenir, participer à un beau moment festif. Merci beaucoup Geoffrey d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité, c'est gentil. Avec grand plaisir et on se retrouvera bientôt puisque La Poule au Pot n'en est pas son dernier projet. Donc on se reverra très bientôt. C'est la fin de ce mag. Bonne écoute de la suite des programmes sur Radioactive.